وإنه لحق اليقين. C'est là, assurément, la vraie certitude. فسبح باسم ربك العظيم. Rendons gloire au nom de ton Seigneur, le très grand.